très bon là-bas. Je m'en vais visiter le pays du soleil. J'aime bien l'Afrique. En Afrique, il y a tout ce qu'on veut. Nabandina Kinshasa, Mokaito na mouvema, Nakutani na chéri na gaya motema o kifoutie. Nakatinga moya maza, Nakomi na bangi, Libreville ya binga yon, chéri na gayo gayo yon na pali. Il y avait aussi tant d'ambiance. Comme ce que j'ai vu là-bas. Mon séjour en Afrique a été formidable, oh maman. J'ai encore envie d'y retourner, maman. Maningae, y'a seul en Alini. Afrika mon bima et sali, moko y'a l'issanoé. Maningae, y'a seul en Andini. Afrika mon bima et sali, moko y'a l'issanoé. Sake chéri, tonke ne ba vacances en Afrika. Chéri, aboy alobi alingi na e kakapoto. Kasi lelo yonga na chéri, tonko min Afrika par hasard. Chéri, alobi akotika na e kuna libela pona disengoe. Malinga e, ya solo nandimi. Afrika mobimba e zali koka ya lisanoe. Malinga e, ya solo nandimi. Panama. Iriwara. Africains aiment beaucoup danser. Oh! les filles. Aux Antilles, il y a des beaux garçons. Aux Antilles.